Le rapport entre un ego et un autre devient plaisant et plaisant et plaisant, et automatiquement, les deux égos montent dans la vibration de l'esprit. Là, ils s'énergisent. Mais pour en arriver à ceci, il faut que les égos apprennent à parler sans que ce qu'ils disent les fasse vibrer. À parler d'une façon réellement neutre, réellement vert, mais jamais pour soi. Et c'est pas facile pour l'ego de parler ainsi. Ça prend une certaine conscientisation, je dirais pas une certaine habitude, mais une certaine conscientisation. Mais il vient un point où on en prend conscience de ça, puis on le perd plus après. Parce que pour un ego qui se conscientise, parler est la clé de voûte de sa conscience. C'est la clé de voûte de son intelligence. Et c'est la mesure même de son esprit. C'est la mesure de son esprit. Et pour un ego, c'est important de connaître la nature de son esprit parce que la nature de son esprit détermine la proximité de son esprit. Alors, si vous avez des conversations, si vous parlez et qu'au début, vous semblez découvrir des choses et que l'ego vibre, c'est parce qu'il y a une proximité d'esprit, mais il y a encore de l'ego. Un jour viendra où vous direz des choses qui ne sont plus de l'ego, mais l'ego sera tellement neutre que vous ne vibrez plus dans l'ego. À ce moment-là, vous saurez que vous êtes dans l'esprit. C'est à ce moment-là que vous commencerez à vivre la paix de votre esprit, la paix de votre intelligence, ou la paix qu'amène à l'ego l'intelligence, permettant à l'ego de voir à 360 degrés S-Ouest, 360 degrés Nord-Sud, son expérience, pour que vous en arriviez un jour. Hein? Il vit simplement d'intelligence. Parce que vivre d'expérience, c'est épuisant pour l'ego, émotivement et mentalement. Ça peut être même décourageant pour l'ego. Il y a des gens qui se découragent. Ils ne semblent pas être capables d'avancer. Ils font toujours les mêmes gaffes, ainsi de suite. Alors, il y a des gros crochets sur le mur de l'ego. Et sur ce crochet-là, il y a des grosses pièces astrales qui doivent être démolies avant que l'ego puisse ne plus vivre ces rebondissements constants d'expériences non terminalisées. Il faut que l'homme en arrive à pouvoir vivre seulement d'intelligence, de moins en moins d'expérience, et de voir et de réaliser qu'effectivement, il avance de plus en plus dans la vie où il a besoin de moins en moins d'expérience. Parce qu'une personne qui ne vit que d'expérience et d'expérience et d'expérience s'aperçoit éventuellement qu'elle tourne en rond ou qu'elle n'avance pas, ou qu'elle avance puis qu'elle recule, avance, recule, avance, recule. Ça, c'est fatigant et c'est décourageant pour l'ego. Et pour que les personnes apprennent à vivre d'intelligence au lieu d'expérience, il y a seulement un moyen. Un moyen. C'est qu'elle s'habitue à ne jamais questionner son expérience. Si vous êtes capable d'en arriver à vivre vos expériences et à ne pas les questionner, et à avancer, et à avancer, et à avancer, vous allez automatiquement rentrer dans l'intelligence parce que l'expérience ne vous servira plus de système de réflexion, de miroir. Alors, autant c'est bon vivre d'expérience, autant c'est mauvais. Parce que quand vous vivez l'expérience, vous apprenez des choses. Mais ce que vous apprenez, c'est un nouveau comportement. Et il ne s'agit pas pour l'homme d'apprendre un nouveau comportement. Il s'agit pour l'homme d'individualiser son comportement. Et si vous vivez trop d'expérience, vous n'individualisez pas votre comportement, vous en développez un. Et vous n'arrivez jamais à être dans votre intelligence et de vivre un comportement qui est totalement individualisé. Le comportement d'un être individualisé, ça ne se questionne pas. par l'ego. Mais si l'ego continue sans arrêt à questionner son expérience, questionner son expérience, questionner son expérience, vérifier son expérience, checker son expérience, il n'avance pas dans l'intelligence. Il se sécurise dans la valeur de son expérience. L'homme doit apprendre à vivre ses expériences et à ne pas qualifier ses expériences, ne pas les mesurer, ses expériences, ne pas les assujettir au regard d'un ego. Il doit les vivre, un point, c'est tout. S'il les assujettit au regard de l'ego, c'est qu'il se sert de sa mémoire pour en mesurer la valeur. Automatiquement, il ne peut pas jamais rentrer dans son intelligence. Il va toujours être prisonnier de son comportement. Et c'est ça qui fait qu'il y a des gens qui avancent très lentement. On va dire des fois, d'ailleurs, j'ai déjà dit ça. J'ai déjà dit, je préfère des gens qui ont des têtes de cochon que des gens qui sont doux. Pourquoi? Parce que les gens qui ont des têtes de cochon, le fait qu'ils ont une tête de cochon, une façon de parler, c'est le fait qu'ils ont une sorte de volonté, une sorte de détermination. Et ça les amène d'une roche à une autre roche, à une autre roche, à une autre roche, à une autre roche. Tandis que les gens qui sont doux de tempérament, ils n'iront pas d'une roche à une autre roche, à une autre roche. Ils vont aller d'une roche, puis ils vont checker autour. Ils vont checker autour, puis ils vont checker autour, puis ils vont s'insécuriser, puis ils vont vérifier, puis ils vont mesurer. Sont-ils sa bonne roche, sont-ils pas sa bonne roche? Dans ce gars qui a une tête de cochon, il va s'aller d'une roche à une autre roche, à une roche, puis il va dire, bon, qu'advienne qui peut. Et c'est pour ça que c'est plus facile pour ces gens-là d'entrer dans leur intelligence que pour les autres. L'homme a extrêmement besoin d'enregistrer constamment un nouvel équilibre dans son expérience. Et pour qu'il enregistre un nouvel équilibre dans son expérience, c'est-à-dire pour qu'il vive son expérience, son autre expérience, sa nouvelle expérience, d'une façon neuve, il faut que son mental et son émotif soient libérés de l'impression qu'a créé la mémoire de l'expérience antérieure. Parce que l'expérience antérieure ou la mémoire de l'expérience lie, c'est comme des chaînes invisibles qui lient une expérience avec une autre expérience, avec une autre expérience, une autre expérience. Puis les gens vont vivre cette expérience-là parce qu'ils l'ont vécu l'autre avant. Ils la connaissent un petit peu. Automatiquement, ils vont la colorer, cette expérience. Exemple. Quelqu'un s'en va en voyage. Dans un voyage, ils se sont fait voler. Dans la nouvelle expérience, là, ils vont s'organiser à tue-tête pour pas se faire voler. Ils vont diminuer l'intensité de leur voyage. Ou ils sont allés dans un endroit, dans un pays primitif où c'était rough, ils se sont fait brasser un peu, là, ils n'iront plus. Ils vont aller au Wilton. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme de ne pas vivre de ses expériences, de simplement vivre ses expériences. Une nuance forte, importante. Pas vivre de ses expériences, vivre ses expériences. Et comme ça, il en arrive à avancer dans son esprit et éventuellement à en découvrir la nature. Et vivre de nos expériences est une habitude foncière de l'humanité. Et les peuples les plus retardataires dans le monde sont les peuples qui mesurent leur expérience selon la tradition. Et vous regardez le monde aujourd'hui, regardez les pays arabiques, où toute l'expérience est mesurée selon la loi d'Allah, prophétisée par Mahomet. Et ça crée un poids tellement vaste sur la conscience individuelle. Ça retarde tellement l'évolution de l'individu que ces peuples-là n'ont aucune chance d'en arriver à l'immortalité. Ils servent simplement des plans cosmiques. On est grandement prisonniers du passé. Mais ce qu'on comprend pas, c'est la mécanique. On ne comprend pas la mécanique de notre ego. Puis notre ego est tellement complexe, c'est tellement vaste, que c'est insuffisant à l'homme, l'instruction. Alors, pour ajouter à l'instruction, l'homme doit souffrir. Sans ça, l'instruction suffira. Tu diras à quelqu'un, c'est de même, il comprendra. Mais c'est pas de même. Pourquoi? Parce que l'expérience est la chose la plus fondamentale dans le cosmos. Dans tout l'univers, à tous les niveaux, à toutes les échelles, l'expérience est la seule chose qui ne se transmet pas. L'instruction, ça se transmet. Mais l'expérience, ça ne se transmet pas. Alors, on peut donner à l'homme l'instruction pour expliquer l'expérience, mais l'homme doit vivre l'expérience. Mais une fois que l'instruction, son expérience n'est plus la même. Et c'est là qu'il va vers la découverte de la nature de son esprit. Et qu'il engendre en lui des forces dont il ne connaissait pas l'existence. Dont il ne savait pas être lui-même la réserve. C'est pour ça que l'homme ne peut pas se permettre, à la fin du 20e siècle, ne peut pas se permettre de rationaliser son expérience. Il doit la vivre. Dès qu'il la rationalise, il s'enlise dans une mémoire qui le coupe de son intelligence. Et rationaliser pour nous autres, c'est foncièrement naturel. C'est un écueil qu'on ne voit pas. C'est un obstacle qu'on oublie. Et c'est une couverture sur notre ego qui empêche l'esprit de pénétrer. Ça prend une sorte de courage pour vivre l'expérience brutalement, à vif, sans la mesurer d'avance. Mais qu'est-ce que c'est le courage? C'est la relation entre la puissance de l'esprit sur l'ego, le pouvoir de l'esprit sur l'ego. Mais c'est pas assez du courage. Parce que l'ego peut très facilement se servir de cette énergie-là pour se créer de l'astralité et se croire courageux. Lorsqu'en fait, il manquera d'intelligence dans une certaine expérience. C'est pas parce que quelqu'un se noie dans l'eau que faut que tu y ailles par courage si tu sais pas nager. Et à ce moment-là, quand l'ego est pris dans une situation comme ça, s'il est pas dans l'intelligence, il saute à l'eau et se noie. Faut être intelligent. Il faut savoir que tout est correct. Il faut savoir que le gars peut aller le repêcher. Sans ça, tu perds deux vies au lieu d'une. Fait que t'es mieux d'en perdre une que deux. L'ego doit apprendre en parlant à réaliser la nature de son esprit. Un ego, en parlant, ne doit jamais se regarder lui-même. Il doit regarder ce qu'il dit. Et s'il regarde ce qu'il dit, il voit ce qu'il est en tant que canal. Il prend conscience de lui-même. Il découvre la nature de son esprit. Il vit de lui-même. Il est bien dans sa peau. Les hommes ont beau chercher le bonheur, les hommes ont beau chercher la clé à la vie. Tant qu'ils vont chercher, ils vont chercher. La clé à la vie, c'est l'équilibre entre l'esprit et l'ego. Il y a des lois sévères, des lois précises qui conviennent à l'homme du 20e siècle. Et ces lois doivent être vécues, connues, senties, ressenties, perçues dans l'expérience. Mais pour ça, il faut que l'ego vive l'expérience d'une façon totalement vitale, totalement découpée de la mémoire ancienne. Sans préjudice. Parce que la vie, c'est un processus qui est constamment renouvelé. C'est un processus qui est constamment neuf. C'est un processus qui n'est pas mémoire. Dans la vie, il n'y a aucun karma. Un homme qui vit ne peut pas créer de karma parce que il est incapable d'assujettir le processus de vie à la mémoire de l'ego. La création du karma, c'est la création de la mémoire. La création de la mémoire provient du fait que l'ego est incapable de saisir l'instantanéité de la vie, de l'expérience, en relation avec elle-même. Il la prend et il la saisit en relation avec sa mémoire. Exemple. Le gars, il n'a pas d'argent. Il est cassé. Voilà la banque. Fait un vol de banque. C'est pas le vol de banque qui nuit à son évolution. Et le vol de banque ne commence pas quand il vole la banque. Il commence dans la mémoire de sa souffrance, de son manque d'argent, de sa pauvreté. S'il n'y avait pas eu la mémoire de sa pauvreté, il n'y aurait pas eu de mécanisme pour l'amener à la banque. C'est le fait qu'il y a eu la mémoire, puis ayant la mémoire, il y a pensé, ça crée l'énergie astrale qui l'a amené à la banque. Alors, les hommes doivent apprendre à vivre leur expérience d'une façon pure. Et si l'homme vit instantanément sa vie, son expérience, d'une façon qui est détachée de la mémoire et le mécanisme qui accumule la mémoire, qui est la rationalisation, automatiquement, il va apprendre à rentrer dans l'énergie de son esprit et automatiquement va rentrer dans son intelligence. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à se connaître et à se réaliser et à se percevoir parfaitement et précisément. Et lorsqu'il se percevra parfaitement et précisément, il sera bien avec lui-même et automatiquement, il sera bien avec les autres. Sa vie deviendra facile. Il est donné à l'homme présentement, dans le monde, énormément de possibilités. Mais ce sont des possibilités qui sont tellement... subtiles. Que ça prend certains hommes pour les voir. Mais ceux qui peuvent se faufiler dans ce petit rayonnement-là d'intelligence peuvent découvrir un champ d'expérience énorme et une façon de vivre qui n'a pas d'égal ou qui n'a jamais eu d'égal dans le passé. C'est pour ça que quand je parlais à soi du choc de l'effroi, ce choc de l'effroi dans sa façon, son aspect plus quotidien, plus de tous les jours, on le réalise dans l'expérience. La crainte de faire telle expérience, la crainte de faire telle chose, la crainte de faire telle chose. Et si on est capable de vivre cette crainte-là ou cette inquiétude-là rattachée à l'expérience, à ce moment-là, on vit le choc vibratoire. Il n'est pas gros, mais on vit un petit choc. On met l'ego sur le spot. Et l'homme devrait être capable de mettre son ego sur le spot tout le temps. Et plus tu mets ton ego sur le spot, plus tu rentres dans ton intelligence. Alors, pour nous autres, les hommes, c'est important de ne pas craindre l'expérience et surtout les conséquences de l'expérience. Parce que les conséquences de l'expérience qu'on rationalise ou qu'on imagine font partie de la mémoire qu'on a des expériences antérieures qui déterminent les expériences futures. Alors, c'est un cercle vicieux. Un homme qui pense aux conséquences de son expérience, il le pense toujours en relation avec la mémoire. Et automatiquement, il tue la vitalité de son expérience. C'est pour ça que l'expérience doit être vécue d'une façon libre, d'une façon précise, d'une façon nette. Et elle apporte à l'homme un échange d'énergie entre l'esprit et son ego. Et éventuellement, l'homme n'a plus besoin d'expérience parce que son esprit est suffisamment présent dans son ego pour que la vie soit vécue instantanément et consciemment et intelligemment. Et c'est à ce moment-là que l'homme connaît la nature de son acte, mais n'est jamais impliqué dans la conséquence de son acte. C'est la nature de nos actes qu'on doit comprendre, qu'on doit connaître, et non la conséquence de nos actes. Quand tu es conscient, la nature de ton acte devient extrêmement claire et très limpide, puisque ton acte émane d'une conscience créative ou d'un esprit intelligent qui éclaire ton ego. À ce moment-là, tu n'as plus à t'inquiéter de la conséquence de ton acte. Parce que si tu t'inquiètes de la conséquence de ton acte, tu vas couper le courant de l'énergie venant de l'esprit et il y a des choses que tu ne feras pas ou il y a des choses que tu ne diras pas. Et automatiquement, tu vas empêcher l'esprit ou cette énergie de descendre dans la matière. Ce sont les égos qui empêcheront la conscience supramentale de descendre sur la terre. La perception qu'on a, les hommes, de la valeur de nos actes est toujours en fonction de nos craintes. Tout le temps. Non, c'est évident que sa crainte est trop grande, mais on l'aborde. Et automatiquement, il y a quelque chose qu'on aurait dû vivre et qu'on ne vit pas qui nous aura amené plus proche de notre esprit. Et quand on est très spirituel, c'est encore pire, parce que quand on est très spirituel, on ne veut pas se mettre le pied dans le plat, on ne veut pas faire de la preuve de Jésus. Fait qu'automatiquement, on s'enlise dans une émotivité qui retarde le développement de notre volonté. S'il y a quelque chose qui tue la volonté sur la terre, c'est la spiritualité. C'est pour ça que j'ai déjà dit dans une conférence, les gens sur la terre qui font quelque chose, qui brassent des grosses affaires, c'est pas les saints, c'est la mafia. C'est la mafia. Il est temps que les saints commencent à faire des choses. Mais les saints n'ont pas de volonté. Le bon monde n'a pas de volonté. C'est du nanan. En veux-tu? En veux-tu? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pauvres sur la terre. Il y a que Krish qui rend le chaud. Et tant que les êtres seront spirituels, ils ne pourront jamais construire une civilisation. Quand les hommes seront intelligents, là, ils pourront construire une civilisation. Fait qu'en attendant, au bout de la poche, normal. Moi, j'ai bien plus de sympathie pour les criminels, puis les tueurs, puis les gangsters que vous pouvez imaginer. Au moins, ils font quelque chose. Bon, ils ne font rien. Ils se font mener, ils se font manger à laine sur le dos. Comment tu veux sympathiser avec du monde de même? Un de mes grands amis, c'est un grand esprit croche. Il est mourant, il fait mourir. Il est intelligent, pas dans son esprit, mais il y a une partie C'est parce que c'est crochi par l'ego, la déformation de la personnalité. Il est au bout. Qu'est-ce que c'est, le gars, là, l'Américain, là, qui se faisait passer pour un avocat, puis un médecin, puis un pilote d'avion, puis un ci, puis un ça, hein? Frankie? Frankie? Abigail? T'es au bout. Fait que j'ai dit à eux autres, en haut, j'ai dit, comment ça fait que ce gars-là, il a fait toutes sortes d'expériences, même. Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, d'abord, l'expérience, ça se transmet pas. Faut que t'avises. Puis ils ont dit, ce gars-là, là, il a vécu toutes sortes d'expériences croche. Puis un jour, il en est sorti. Puis aujourd'hui, il a ouvert une institution pour enseigner au gouvernement puis enseigner au gros monopole comment pas se faire voler par des computers puis ici, des autres. C'est un spécialiste! Fait que moi, quand je rencontre des gars comme ça, je vois un petit peu plus loin que la morale humaine. Je rencontre des types de même, je trouve ça fantastique. Parce qu'ils vivent leur expérience au bout. Ils en souffrent, d'accord? Parce qu'ils sont inconscients. Mais ils vivent leur expérience au bout. C'est pour ça que ces gens-là développent dans la vie une sorte d'intelligence qui ne convient pas à tout le monde, mais qui éventuellement peut servir au niveau social. Puis c'est ça qui est arrivé avec ce type-là. Il est très bien vu aujourd'hui, puis on a passé la brosse sur son dossier. Pourquoi? Parce qu'il rend d'énormes services aux grandes industries et aux grands monopoles qui servent des computers. Et ce qui arrive dans des cas, dans des expériences comme ça, c'est que un ego est poussé par l'esprit, puis il ne sait pas, puis il souffre, puis il souffre, puis il se prend pour un voleur, puis il se prend pour un croche, puis il se prend pour un mafioso. Mais dans le fond, un jour, parce qu'il ne connaît pas sa destinée, un jour, s'il savait qu'il fait ça aujourd'hui, parce que demain, il va avoir un institut qui va enseigner ça au monde, qu'il fallait passer par la crofferie pour un jour qu'il y ait de la droiture, il sera flatté dans son ego. Mais on vit toujours notre vie à l'insu de l'esprit. Alors l'ego en souffre. C'est pour ça que ces gens-là, quand on regarde leur vie d'une façon objective, on s'aperçoit que il y a plus d'intelligence en eux qu'on pouvait s'imaginer. C'est parce qu'elle n'est pas ajustée encore. Les grands romans que tout le monde lit avec avidité, là, tout le monde voudrait vivre des vies de même, des vies pleines. Là. C'est fait de gens comme ça, qui sont poussés par l'esprit, qui en souffrent parce qu'ils sont inconscients, mais qui un jour, quand ça s'est réorganisé, l'affaire avec leur plan de vie a changé, s'aperçoivent que il y avait des raisons pour ça. Il y a toujours des raisons dans notre expérience. Et si on coupe notre expérience à cause de notre mémoire, c'est là que on vit des petites vies. Ils disent qu'un homme qui vit ses expériences là, brutalement, là, brut, de façon brute, sans regarder en arrière, sans la mesurer, sans la qualifier, cet homme-là ne peut pas avoir d'envie d'insuccès. L'insuccès d'envie vient du fait que les hommes ne vivent pas leur expérience au bout. Ils la vivent partiellement ou ils se coupent de leur expérience. Et si on va dans le domaine du mariage et des unions intimes des hommes et des femmes, combien d'hommes et de femmes, surtout dans notre passé, surtout dans le temps de nos parents, qui n'auraient jamais osé laisser leur mari ou leur femme, qui était invivable, parce que ça n'aurait pas été bien vu dans la société. Fait qu'ils ont resté pluggés avec des plugs pendant 80 ans. Sais-tu qu'est-ce que c'est être plugué avec une plug pendant 80 ans? C'est long. C'est ça du karma. C'est un manque d'intelligence qui mène à un manque de volonté. C'est toujours un manque d'intelligence. N'employez jamais le mot volonté avant le mot intelligence. Le mot intelligence vient toujours avant le mot volonté. Là où il y a de l'intelligence, il y aura de la volonté. La volonté, ça n'existe pas seul. Du caractère, ça peut être seul. Mais pas de la volonté. Puis il n'y a pas nécessairement d'intelligence dans du caractère. du caractère, c'est une déformation de la volonté. Le caractère est à la volonté ce que l'intellect est à l'intelligence. Une vie humaine, ça doit être totalement dénudé. Tu peux pas vivre une vie humaine avec des fils. Tu peux pas vivre une vie humaine avec des fils rattachés à hier ou rattachés à demain. Une vie humaine, ça se vit tout de suite, puis il peut pas y avoir de fils. S'il y a des fils, c'est pas une vie humaine, c'est un existant. Et plus vous deviendrez conscient, plus vous deviendrez conscient des fils. De ces fils invisibles qui vous lient à hier ou à demain, c'est-à-dire à votre mémoire ou à votre corps de désir. Une vie humaine, ça se vit. Tu ne peux pas penser hier ou demain. Sans ça, on fait de l'angoisse. Puis c'est pour ça que l'homme vit de l'angoisse. Parce qu'il vit jamais vide des liens avec le passé ou le futur. Vous pouvez être site, vous autres, là. Je vous comprends, je ne vous comprends pas. Mais vous pouvez être site, puis là, vous pouvez penser, hein, il faut que je me lève demain matin, je travaille. Ça crée une tension dessus. Si vous étiez dans votre esprit, l'énergie vit. Vous auriez l'énergie pour vous lever demain matin. Vous n'auriez même pas senti l'heure. Mais la mémoire. Hop, hop, les enfants qui s'inquiètent. Hop, la gardienne. Hop, hop, hop. T'es assis à la chaise. Comment être la gardienne? Non, c'est la gardienne. Elle est là-bas. C'est un autre monde. Non, la gardienne. Fait qu'on est connecté au passé et à l'avenir par des fils invisibles. Puis c'est ça qui nous crée de l'angoisse. Puis après ça, les gens disent, comment ça, je suis pas capable de parler? Je comprends, vous n'êtes pas capable de parler. Toute votre énergie sert à nourrir l'astral. Comment voulez-vous que l'énergie serve à nourrir votre mental dans le présent? C'est impossible. C'est pour ça, vous n'êtes pas capable de parler. Si un homme était instantanément coupé de sa mémoire, il parlera comme un pape. Alors, pour nous amener à ça, à cet état-là, l'esprit crée des chocs que j'appelle le foi. Il crée des chocs à toutes les échelles de l'expérience. Et quand viennent les expériences où on doit vivre ce conflit entre l'esprit et l'ego, on doit être capable de passer à travers et de le vivre sans s'inquiéter des conséquences, sans rationaliser dessus, rien que le vivre. C'est comme ça qu'on devient intelligent. Parce que de l'intelligence, c'est facile. C'est le raisonnement qui est pénible. Puis l'intelligence, il n'y a rien de plus facile que d'intelligence. C'est tellement facile, l'intelligence, que ça n'est facile. Puis le pire, c'est que quand tu es dans l'intelligence, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Tant que c'est facile. Tu peux pas mesurer ça d'intelligence. Tu l'écoutes. Tu t'écoutes parler. C'est facile de l'intelligence. Mais c'est pénible d'en arriver à la canaliser parce qu'on ne vit pas nos expériences libres du passé et du futur. Autrement dit, libres de notre astralité. Je me considère pas un phénomène, moi. Du tout. Parce qu'un phénomène, c'est une projection de l'ego. Alors, l'intelligence, c'est très facile. Mais c'est l'expérience qui mène à l'intelligence qui est difficile. Mais on vous dit comment opérer, comment ça fonctionne. Vivez donc vos expériences froidement. Pour en arriver à pouvoir vous remplir de votre confiance dans l'action. Parce que c'est votre confiance dans l'action qui est la porte par laquelle passe l'énergie de l'esprit. Si vous n'avez pas de confiance dans votre action, l'énergie de l'esprit ne peut pas passer par la porte. Les lois de l'homme sont très simples. Très simples. Mais il ne sera jamais donné à l'homme les secrets de l'esprit sans que lui-même en arrive à découvrir ces secrets-là par l'expérience. C'est pour ça qu'il doit vivre l'expérience. Il ne jamais la qualifier de bonne ou de mauvaise. Elle est toujours bonne. C'est pour ça que le choc de l'effroi, c'est un choc qui s'étale sur une règle à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs mesures. Et l'homme doit être capable de toutes vivre les mesures de ce choc de l'effroi, de ce contact entre l'esprit et l'ego. Parce que ce n'est pas nécessairement les gros chocs de l'effroi qui sont difficiles. Ils sont difficiles. Mais ce ne sont pas nécessairement ces gros chocs-là qui sont les plus importants. Ce sont les petits chocs de tous les jours qu'on vit dans notre bureau, dans notre vie personnelle. C'est ceux-là qui sont les plus pénibles. Parce que dans la vie de tous les jours, on n'est pas prête tout le temps à vouloir admettre qu'on peut avoir raison. Mais d'une façon autrement qu'on voudrait. Alors, on prend l'autre façon. Alors, on perd la raison de notre existence. Et en perdant la raison de notre existence, on n'a plus de raison de vivre. Ah, on existe. On n'a plus de raison de vivre. C'est pas comment. Parce que pour avoir une raison de vivre, il faut avoir une intelligence de vie. Sans ça, on n'a pas de raison de vivre. Qu'il y a un ouragan, qu'il y a une tornade, qu'il y a la mort, qu'il y a la maladie, n'importe quoi. Ça nous wash, puis ça nous amène au bord. Parce que pour qu'un homme réalise qu'il y a une raison de vivre, pour avoir une raison de vivre, il faut vouloir vivre. Et vouloir vivre dans le sens occulte du terme, c'est-à-dire vouloir continuer à donner à sa conscience l'empire de l'esprit et le pouvoir de cet empire-là qui va jusqu'à l'immortalité. Tu sais, c'est pas simplement de dire philosophiquement, moi je veux pas mourir. Mais facile de dire, moi, je ne veux pas mourir. Je ne me laisse pas mourir. Tu sais, c'est pas l'immortalité. Sens-tu bien, ces gars-là? Mais de là à transcender l'acte philosophique, qui est la pensée philosophique, pour matérialiser l'esprit dans l'ego, dans tous ses principes, pour détruire le pouvoir de la mort, sur le plan matériel. C'est un autre pays de manque. T'as grandi à ce point-là, tu peux plus vivre dans le passé ou le futur de l'expérience. Tu vis dans l'expérience, dans l'expérience, dans l'expérience, dans l'expérience, dans l'expérience. Amène-nous à l'expérience. Parce que où tu es dans la vie en relation avec ton esprit, tu es toujours à la bonne place. Anyway, tu peux pas faire un bail de banque si c'est pas ta place. Tu vas faire d'autres choses. Fait que tu fais toujours l'affaire, tu fais toujours la chose que tu es supposé de faire, mais tu la fais jamais bien. Parce que tu as toujours de l'émotion qui t'empêche de bien la faire. D'un accident d'automobile, tu rationalises, ta femme est fâchée. Pourquoi t'as pas fait attention? Ben, tu pètes le temps. Pourtant, dans l'accident d'automobile, t'as appris quelque chose. T'as appris le calme. Il s'est fait soudainement une connexion entre l'esprit et l'ego, puis ils disent, prends, inquiète pas, tout est correct. T'as appris quelque chose. T'as vécu dans l'instantanéité de l'expérience. Moi, j'ai eu une expérience avec un char, là, quelques années dans le Nord, une petite Honda. J'avais capoté sur la highway. Puis quand je capotais, je disais, qu'est-ce qui se passe? Je disais, inquiète pas, on va te faire tosser. Puis pendant que je roulais, là, je suis remonté sur la route, puis je continue. J'ai perdu la mémoire de l'expérience. Instantanément, continuez, comme si rien n'était arrivé. Un jour, j'étais après prendre une cigarette, j'étais après m'allumer une cigarette. Puis, tu sais, c'est highway, quand un gars est arrêté, quand un gars marche, c'est comme s'il était arrêté, parce que c'est à cause de l'illusion optique. Fait qu'il y avait un type là-bas, il avait l'air d'être bien loin. Fait que moi, je prends ma cigarette, puis je m'allume ma cigarette. Puis quand je lève mes yeux, j'étais rendu du 3 pieds 60 000 à l'heure. J'ai juste eu le temps de tourner mon volant. Puis mon char, il est bien, bien stable. Puis là, je suis retourné comme ça, puis je suis retourné de même. Puis j'ai dit, pourquoi ça fait ça? Il dit, tank, puis t'as montré comment est stable ton char. Ça, c'est dans l'instantanéité de l'expérience. Mais si j'avais été à l'émotion, je me serais tué. Mais aussitôt que j'ai levé mes yeux, j'ai tourné. C'est l'esprit qui te fait retourner. Il te donne la force que tu as besoin dans ton bras. Pas plus, pas moins. Juste correct. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'émotion. D'émotion, là, tu tournes de même, là, tu travailles. Quand j'ai demandé des explications, ils ont dit, c'est pour te montrer que ton char est bien construit. Non. Mais nous autres, quand on est dans l'ego et qu'on n'est pas dans notre esprit, puis t'es pogné avec une expérience de même, puis surtout si t'as ta belle-mère, là c'est final. T'es un niaiseux, t'es ci pis t'es ça. Et plus on se conscientise, mais naturellement, plus l'esprit est présent en nous, alors automatiquement, plus on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait telle chose dans telle expérience. Fait que ça nous explique pourquoi, ça nous explique pourquoi. Puis l'ajustement entre notre ego et l'esprit se fait. De sorte qu'éventuellement, tu peux vivre des expériences qui sont pas mal au bout. Mais tu te fais jamais mal. Mais sont au bout, pareil. Mais tu te fais jamais mal. Fait qu'automatiquement, c'est que tu développes une résistance à l'effroi. Tu sais, quand tu t'en vas à Mexico dans les petites montagnes, les petites rues, tu sais, qui sont pas bien larges. Ils disent, continue, 80 000 à l'heure. Du coup, il y a quelqu'un qui s'en vient. Ils disent, oh, c'est bon, c'est nous autres, c'est quelqu'un qui s'en vient. Mets-toi dans tes affaires. On veut toujours se mettre notre nez dans les affaires. Mets-toi dans tes affaires. On s'occupe, nous autres, on transforme tes corps. On les ajuste, tes corps. On détruit la crainte. Non, on se mêle toujours de ce qui ne nous regardera pas, notre vie. Maudite habitude qu'on a. Puis après ça, là, on veut être conscient. Puis on veut s'immortaliser. Puis on lit la vie des maîtres. Puis on bave. Puis on rêve. Puis on tourne dans le lit. Puis on a toutes sortes de patentes. Puis on va dans les écoles ésotériques. Puis on cherche des maîtres. Puis des manitous. Puis on se fait manitouter. C'est essentiel qu'on vive l'expérience, qu'on la qualifie jamais l'expérience et qu'on la vive d'une façon totalement neuve chaque fois, et qu'on fasse jamais interférence avec l'expérience. Si on fait interférence, on en bénéficie moins. Alors, l'expérience sert à ajuster nos violons. Quand nos violons sont ajustés, mais à ce moment-là, tu passes plus d'expérience demain, parce que le travail est fait. Tu vis plus d'expérience. Tu vis simplement d'intelligence. Ou si pour une raison ou une autre, il y en avait une expérience, ça ne serait plus une expérience. Ça serait simplement une situation de vie qui te permettrait de faire telle chose. Plus d'expérience. Quand tu n'as plus d'expérience dans la vie, mais là, la vie commence à être la fin. La planète Terre, c'est une grande planète. Il y a bien du monde. Il y a bien des nations. Il y a bien des choses à vivre. Il y a bien des choses à voir. Il y a bien des choses à s'intéresser. Il y a bien... C'est vaste, la Terre. Il y en a qui sont nés à Saint-Tite, qui vont mourir à Saint-Nain. Imagine-toi que c'est toute une expérience de vie. Tu leur parles des villes, des grandes villes du monde, ils sont pas intéressés. Pas intéressés. C'est comme ma belle-mère. Elle est partie de la rue, puis elle est déménagée à l'autre rue. Puis tu parles de la ville, tu dis, oh, je connais tout ça, moi. Je connais, elles connaissent tout ça. Tu vas pas me montrer à faire des enfants, le gros bidon, les gros seins, là. Tu vas pas me montrer à faire des enfants. L'autre expression, c'est « T'as pas fait le tour de mon jardin? Je voudrais pas. » C'est effrayant, les gars. D'ignorance crasse. Balconville, tu sais. OK, allez aux polices, la petite vieille Monson. 40 ans. Bernard de Montréal, c'est un chien. Décapoté! Oh, hein? C'est triste, le petit homme. C'est pour ça que si vous avez des expériences dans lesquelles il y a de la crainte, dans lesquelles il y a de l'effroi, divulguez vos expériences et cherchez pas toujours de fil en aiguille pourquoi, puis à quoi ça sert, puis qu'est-ce que c'est, puis c'est-tu d'astral, puis c'est-tu pas d'astral, puis c'est-tu... Divulguez. Occupez-vous pas du reste. C'est un piège de l'ego. S'il y a un gars qui devrait être bombardé par les mauvais esprits, c'est bien moi. S'il y a un gars qui devrait être attaqué à gauche par à droite, c'est bien moi. Pourtant, je dors sur mes deux oreilles. J'ai jamais vécu ça, moi. J'ai jamais connu ça, cette patente-là. Ces craintes astrales. Je me promène pas avec un métro, moi. Ça m'arrive jamais.